Yeah. Come on. Yeah, boss. Jeune Tabas, t'es là. We'll be right back. Oh bah ça va toi, tu te lèves tard? Yeah.